sécurisé le secteur. Secteur sécurisé, chef. En bordure, mettez-vous en bordure. Il ne faut pas qu'elle revienne. Et regroupez-vous un peu, quoi. On n'est pas à la foire de Wish City, là. Tu pensais que c'était comme ça, le nouveau monde, toi? Non, t'as vu le grand plafond? Ça, c'est vraiment un grand plafond. Votre main, mademoiselle Mila, je vous aide à descendre. Merci, Friedrich. Oh merde, Bender. Je croyais que t'avais réglé ce problème d'atterrissage depuis longtemps. Par toutes les pioches, mais c'est quoi ça? Une chauve-souris, c'est Bender. T'inquiète pas, il est avec nous. Par la mer, la roche. Par toutes les pierres, Friedrich. Ce bon vieux Friedrich. Hé, Booz, ça va mon gars? Oh Friedrich, si tu savais comme je suis content de te voir. Et moi aussi, oui, moi aussi je suis content. Tout le monde est content de me voir, alors pour une fois qu'on s'intéresse à moi, je suis content. Mais c'est quoi ce casque? Mais c'est pas vrai, t'es devenu généreux. Et ouais, on n'avait plus d'armée pour se défendre après l'attaque des rats. Les trois quarts ont été décimés. Fallait bien remettre des choses en ordre. C'est que les creuseurs qui sont là, Booz. Des creuseurs? Salut, Booz. Mais Booz, Booz. Ouais, petit. Un des meilleurs creuseurs que j'ai jamais vu dans ma vie. Mila? César, vous allez bien? Oui, ton conseil va bien. Tout le monde va bien. Les rats se sont enfuis. Je sais. Vous avez gagné, Mila. Vous avez gagné. Bah, c'est pas la peine de tirer la tronche. Et Squeak, il est où? Squeak. Quoi? Il n'est pas là, Squeak! Mila! Bertold est parmi nos victimes! Squeak était avec Bertold! Booz! Mila! Je vois pas Ratis! Et c'est pas le genre à s'enfuir! C'est qui, Ratis? Je peux pas mourir! Ça va, Fouish! Il fallait y penser avant! Ratis a levé la lance qu'il tenait dans sa patte! Il a levé les griffes au ciel! J'ai fermé les yeux! Je fermais les yeux. J'attendais. La respiration lourde de Ratis résonnait dans ma tête. Lentement, j'ai rouvert les yeux. La pluie fine lissait ses poils gris et noirs. Je vois la pluie, je vois un arbre, et je vois ton œil qui s'éteint sous la pluie contre l'arbre. Ratis a baissé sa patte lentement. Son œil brillait étrangement. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas. Pas tout ça. Il a reculé lentement pour s'affaler dos à un arbre, la respiration saccadée. Mais dans une racine, je me suis relevé. J'ai marché lentement vers lui, ramassant une des deux lances. Ratis. Je ne voulais que la liberté. La fin de cette souffrance. Mais la souffrance, elle n'était plus physique. Je m'y étais habitué à celle-ci. Non, il y avait d'autres douleurs, d'autres plaies ouvertes. Je ne voulais pas tout ça. Ratis. Ouais, j'ai tué, ouais, j'ai rasé. Baef wesh. Ratis rase gratis. Hein. C'était mon seul et unique moyen de prouver, de dire que j'existais, que nous existions. Nous ne sommes pas que des rats de laboratoire, Squeak. Je sais. Nous aussi, nous avons le droit de vivre autrement. Nous ne sommes pas que des cobayes. Nous ne dépendons pas des autres. Pour une fois dans ma vie, j'ai été maître de mon destin. Des vôtres. Sais-tu ce que l'on éprouve quand la vie des autres dépend de ton choix? J'ai été l'égal d'un homme, Squeak. J'arrivais au pied de Ratis. Il restait là, dos à l'arbre, sous la pluie mourante. Au loin, la bataille s'était tue. Je voulais juste exister par n'importe quel moyen, même l'orgueil et la cruauté. Squeak. Ratis, faut en finir. Fais vite. Il avait levé son œil unique vers moi. Que cette blessure que j'ai été ici disparaisse le plus vite possible. J'ai levé la lance. Je ne voulais J'ai abaissé la lance. Wow, quoi, par la mer, la terre. Les nuages s'écartent. Le soleil réapparaît. C'est lumineux. Le soleil